Donc dimanche dernier, le dimanche 20 avril 2008, on est allé visiter l'île de Ba. Alors l'île de Ba, je ne connaissais que de nom. Alors ça se situe, tout d'abord il faut expliquer un peu, ça se situe juste en face de la ville de Roscoff, qui est toute petite en fait, hein. Qui est très mignonne, le centre-ville est très beau. On a fait le tour aussi. Alors, à Roscoff, évidemment, c'est connu pour ceux qui voyagent là-bas, parce que c'est un grand port international, on va dire, pour les échanges avec l'Angleterre et l'Irlande. Et il y a une gare maritime assez sérieuse, hein, avec les grandes compagnies de la Manche. Et alors d'ailleurs il y a tous les attributs, hein. Il y a le casino juste pas loin, et il y a aussi, alors ça c'est très amusant, des magasins d'alcool pour les Anglais qui débarquent, parce que évidemment je crois qu'il est moins taxé en France qu'en Angleterre. Donc ces magasins c'est Wine and Beer, donc très visible, et il y en a un certain nombre. On a visité ça d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Donc l'île de Ba, on embarque sur l'île de... Donc sur de Roscoff vers l'île de Ba. Ça se passe tout à fait au nord de Roscoff. C'est pas du tout... Oui, je fais mon enregistrement en pleine rue, c'est pour ça. Donc, je disais... perdu le fil. On n'embarque pas pour l'île de Ba à partir de la gare maritime, qui est plus à l'abri. La gare maritime est dirigée vers l'est. Ouais, c'est ça. Alors que le petit port, le port de Roscoff... c'est vers le nord, en face de l'île d'ailleurs, qui est vraiment tout près. On a l'impression qu'à pied on pourrait y aller par très grande marée basse. En fait non, il faut, je pense, que se mouiller quand même largement, mais c'est tout près. Donc on prend une navette là. Alors c'est amusant d'ailleurs, parce que il y a eu l'aménagement du port, et on a l'impression, on voit des maisons qui avant dominaient la mer et qui ne la dominent plus, parce qu'effectivement il y a eu tous les travaux d'aménagement du port, et il y a une plaque sur un mur qui dit que Marie Stuart a accosté ici en 1500 et quelques, je ne sais plus exactement, mais enfin voilà. C'est amusant de se dire que l'histoire, les grands personnages de l'histoire sont passés exactement là. Alors d'ailleurs à Roscoff, ils ont beau avoir fait beaucoup d'aménagements qui dénaturent, comme je le disais, un petit peu la côte à l'endroit du port de Roscoff, il y a quand même une différence assez certaine au niveau de l'embarquement entre l'embarquement par beau temps, par marée basse ou marée haute. Effectivement, à marée basse, il faut prendre un ponton. Il y a un ponton assez fin, juste pour les piétons, qui est très long, hein. Alors, il était long là particulièrement parce que le vent était tellement terrible. Il était frais. Et donc, voilà, c'était un petit peu difficile. Mais le ponton, je ne sais pas combien il mesure, mais peut-être 200 ou 300 mètres. Hein, il est en dur, hein, et il domine bien les rochers. Là, en l'occurrence, à marée basse. On a dû aller au bout là pour prendre le bateau. Voilà, un petit bateau, c'est tout simple. Ça change de tous les embarquements compliqués. On paye son ticket à l'entrée du bateau. Voilà. Ensuite, petite traversée de un quart d'heure, 20 minutes. Alors ça dépend si c'est marée basse ou marée haute. Peut-être qu'on augmente le trajet de 5 minutes, mais on fait moins de trajet à pied. Voilà. Donc, ça c'est le trajet. Donc on est arrivé, nous, en tout début d'après-midi. Alors, l'île se présente comment on arrive ? Je dirais par la côte sud. L'île s'étend, l'axe principal de l'île, c'est une île en longueur, hein, qui va d'est en ouest, hein, qui est légèrement courbée. Du moins, il y a pas mal de... C'est un peu l'impression que ça donne. Disons qu'il y a une grande crique au milieu de l'île. Un grand arrondi au milieu de l'île, donc qui est courbé un petit peu comme un croissant, dont le creux est tourné vers le continent. Voilà. Et on arrive à peu près au milieu de ce croissant, mais en fait légèrement plus à l'est quand même, parce qu'on est beaucoup plus près de la pointe est que de la pointe ouest. Alors en gros, sur l'île, ce qui est connu, c'est le jardin exotique. Un jardin exotique assez célèbre. Oh, c'était un homme richissime qui avait des plantations en Afrique, qui était revenu, puis qui avait installé ce jardin, qui en avait très peu profité. Hein, les hommes riches ont autre chose à faire, bien sûr. Enfin, il l'avait fait. Ensuite, il avait été plus ou moins cédé à la collectivité, et puis finalement, bon, il n'a pas été... C'est assez récent, son utilisation en tant que jardin ouvert aux touristes, qui a été complètement il y a eu beaucoup de travail pour le rendre à nouveau dans un état. Alors là, autant raconter, je suis... Donc on est le 25, là, quelques jours plus tard, en plein soleil, place Hoche. Il y a un rassemblement de jeunes, des tectoniciens, c'est magnifique. Ils dansent très peu, ils osent pas trop, hein. Déjà, ils sont habillés comme des jeunes tectoniques. On peut pas tout faire en même temps. Voilà, donc pour la visite de l'île, donc on est parti, nous, on avait envie d'aller vers l'ouest. On nous a conseillé, en fait, on nous a dit que c'était la plus belle partie de l'île. Donc on avait envie de s'y rendre, donc on a longé la côte sud le plus possible. En allant directement vers l'ouest. Voilà. Donc le long de la côte sud de Bas. Ah, c'est voiture. Donc le long de la côte sud de Bas, on a avancé sur une petite route. D'abord le long de là où il y a tous les commerces, en fait. Mais c'est vraiment à taille humaine. C'est pas du tout envahissant. Quelques bars. Très tentant d'ailleurs, des petits restos, c'est assez mignon. Il y a le petit port en face, une petite un semblant de plage. Ensuite, arrivé au bout de la baie, si on veut, ça remonte un peu. Là, on a le phare de l'île, qui est un peu, je dirais, au milieu de la partie ouest de l'île, l'île s'élargissant un petit peu de ce côté-là. Donc, on est remonté, on est passé, on est resté le long de la côte. Là, cette fois, sur des chemins, à un moment, donc on a marché sur un peu sur le sable, des petits chemins légèrement sablonneux. Et là, il y a un peu de relief. Bonne journée. Et donc, on a marché là, on a remonté, en fait, parce que là, il y a plus de relief à cet endroit-là. Et on arrive au bout de l'île avec des plus de rochers, une vue superbe vers l'ouest. Alors on voit la côte sud. J'ai oublié le nom de. Il y a une petite ville qui est à l'ouest de Roscoff qu'on voit de l'île, quoi. Car en fait la partie est de l'île est en face de Roscoff, la partie ouest. Est en face de... Ah oui, Santec, je crois. Santec, c'est le nom du bled. Alors, donc la partie ouest est assez belle, assez sauvage. n'y a pas de maison là, ou très peu, un peu au sud-ouest, mais très peu nombreuses. Et surtout, il y a un peu de hauteur, alors c'était agréable. On a vu quelques canards, c'est amusant, il y a des canards paumés là. On a compris pourquoi après d'ailleurs, hein. Parce qu'en fait, il y a deux mares, deux petits étangs au milieu de l'île, enfin au milieu de la partie ouest. Et dans ces étangs, effectivement, d'ailleurs, il y a des écriteaux mare aux canards. Et effectivement, il y a des canards. Il n'y a pas que des canards, d'ailleurs, mais on a vu quelques poules d'eau. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je ne sais plus. Quelques poules d'eau, bien sûr, les mouettes, etc. Alors, le foulk. Ouais, je crois que c'est le foulk. Donc ça, ça ressemble un petit peu à une poule d'eau vue de loin, mais c'est plus grand. C'est assez beau. C'est une beauté un peu relative, mais c'est-à-dire que il a quasiment pas de queue, cet oiseau. Donc déjà, il a l'air un peu tronqué de l'arrière, si on veut. Il est brun foncé de corps, la tête est noire ou gris très foncé, et surtout, il a une espèce de grosses marques blanches verticales sur le visage, enfin bref, sur le visage, sur le bec et vraiment la face avant, donc contre les yeux, etc. Donc, comme une un peu plat, quoi, une sorte de partie qui a l'air posée sur sa tête. Puis là, bon, bah, il s'est mis à pleuvoir, hein. On a passé un moment sympa, là, sous la pluie. Heureusement, on avait le parapluie, mais bon, bien sûr, avec le vent, c'est quand même assez limité, la protection. Les jambes, bien sûr, détrempées. Donc, toute la partie ouest, nord-ouest est assez sauvage. La partie nord-ouest est d'ailleurs moins belle, hein. C'est-à-dire, tant qu'on est à la pointe de l'île, c'est beau, mais dès qu'on revient vers l'est, au nord, là, c'est pas très beau, parce que c'est un peu ce côté un peu sale, c'est-à-dire qu'il y a des champs, mais il y a des champs et beaucoup de petits matériaux. Les champs s'arrêtent quasiment au bord de la mer, hein. Et c'est pas des belles grandes falaises, donc bon, voilà. Donc à ce moment-là, finalement, on a fait le tour du phare, ce faisant. Ensuite, étant donné le temps, on est retourné. Au milieu de l'île, en fait, ça se rétrécit. Et là, donc, on est retourné vers le sud de l'île, vers la côte, où on a fait une pause dans un café. Voilà, où j'ai bu une Telendu en bouteille, qui n'avait rien à voir avec la bonne Telendu. Donc, c'est la bière bretonne au sarrasin. Le sarrasin est beaucoup plus fort en bouteille, c'est pas un goût aussi agréable. Bon, je comprends pas. Donc il y a plusieurs variétés, c'est pas une simple question de bière pression ou pas. Il y a plusieurs variétés. Il faudra que j'essaye de comprendre un jour. Ensuite, donc on est retourné à ce moment-là, il nous restait encore assez de temps. On est reparti, parce qu'on devait reprendre le bateau en fin d'après-midi. On est allé très vite vers l'est pour aller voir ce jardin. Alors bon, on hésitait à le visiter. Je sais plus combien ça coûte d'ailleurs le visiter. 4-5 euros. D'ailleurs la traversée, je l'ai dit, il faut le dire, bon, les tarifs changeront, mais c'est en saison moyenne comme on était là, ça doit être 7,50 €. 7,50 € l'aller-retour. Voilà. Donc on est allé dans le jardin. Autour du jardin, devant, on a pris de la doc, des cartes, il y a un petit. Ils vendent un peu de tout. Bonjour. Ils vendent un peu de tout là. Et puis on a fait le tour en fait. C'est-à-dire qu'on l'a dépassé parce que il est très abrité, hein. Forcément, il y a des haies multiples pour protéger des regards peut-être. Mais aussi, bon, pour protéger des intempéries, je pense que c'est mieux pour les plantes tropicales. Tropicales ou. Oui, a priori. En tout cas de pays chaud, d'être protégé un petit peu par des haies. Et on est arrivé à la pointe, là il y avait une sorte de... les vestiges de batteries militaires là, il y avait deux canons là qui pouvaient pointer, qui étaient censés empêcher les bateaux de passer entre Bar et Roscoff. Effectivement, vu que c'est pas très large, deux gros canons là, bon, fallait mieux se méfier, quoi. Voilà, donc bon, ensuite il a replu, donc on est allé se mettre à l'abri près de l'embarcadère. On a repris le bateau avec quelques vagues, très agréable. C'était rigolo. Et puis voilà, donc c'était. Donc finalement, en marchant bien 3-4 heures sur l'île, ça permet de faire un bon tour à pied. Pas obligé de prendre les vélos, hein, toujours plus vite. Bon, ouais, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, à pied, la solution est très agréable. Voilà, donc c'était l'île de Bas, une balade sur l'île de Bas.